Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, en ce 24 janvier 2015, vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, comme à chaque semaine, on a 2 heures de bon rock progressif, de nouveautés rock progressif, de disques récents à vous proposer. Alors, des coups de cœur, je reviendrai sur quelques albums là, vraiment intéressants de 2014. Puisqu'on est un peu en début d'année comme ça, là, à voir les compilations, quels sont vraiment les meilleurs albums. Puis là, c'est là qu'on découvre qu'on n'a pas connu bien souvent ce qui est le meilleur. On en a écouté toute l'année, puis on n'est même pas au courant que de ce qui a été considéré. Des fois, ça arrive dans les meilleurs albums. Alors, on vous parlera évidemment de la convention Terra Incognita, puisque c'est organisé conjointement avec notre émission, donc le 16 et 17 mai prochain au Centre d'art La Chapelle. On a la convention Terra Incognita, la 11e, donc convention, ça fait 11 ans qu'on fait l'émission, 11e convention, et on a Anecdoten de la Suède et Kaipa d'Acapo, qui est également un groupe suédois. Anecdoten qui a débuté dans les années 90, Kaipa qui a débuté à la fin des années 70. Il y a également Il Castello di Atlante de l'Italie, c'est le 17 mai, et on aura une pièce d'ailleurs de leur plus récent album. Ils viendront nous présenter un nouvel album intitulé Arx Atlantis, mais on écoutera la pièce de leur précédent, Tra le antiche mura, qui veut dire parmi les murs antiques. Et un très très très bon album, c'est leur 5e album en carrière. Ils ont débuté dans les années 70, mais leur premier disque a été en 92. Alors c'est des routiers qui sont là depuis 74, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très bons, et c'est donne un excellent spectacle. Il y aura également Frog Café. Je connais pas les disques de Frog Café, mais ce que j'ai vu, c'est que les critiques sont très bonnes. Il y a un mélange de Frank Zappa avec le violon de Mahavishnu Orchestra, avec un mélange de Univers Zéro, un prog rock fusion. Il y a également le groupe américain Elephants of Scotland et un autre groupe qui va s'ajouter. Donc, c'est les 16 et 17 mai à la convention Terra Incognita. On va débuter avec... En fait, on vous a parlé il y a 2 semaines de notre ami Denis Barry, de l'opinion du chef qui nous a quittés il y a 2 semaines d'ailleurs, et qui a laissé un album posthume qu'il a réalisé avec son fils Antoine, un album intitulé Denis Barry, sa musique. Je me le suis procuré, c'est un super bon disque, 2 heures de musique, c'est vraiment dans l'ambiance Denis Barry. Évidemment, il y a un thème, ça suit, il y a des indicatifs de l'opinion du chef à travers les pièces, et on écoutera la pièce L'appel du large, qui a été réalisée en 2013. Donc, ils sont en duo, Denis et Antoine, son fils, sur ça. Mais pour débuter, on a une nouveauté de la Suède, Birdfish. Ça faisait quand même 3 ans que datait leur plus récent album. Alors, c'est l'album Plus 4626 Comfort Zone, un très bon disque. Je pense qu'ils sont revenus à un Birdfish qu'on connaissait dans les grands albums Sleeping in Traffic il y a quelques années. On aura la pièce donc Hold On pour débuter l'émission. Donc Birdfish, ensuite Il Castello di Atlante et Denis Barry. My friend. Crawl back in your dirty little hole.

respiro la notte, cammina piano verso il destino, guarda le stelle, respiro la notte, cammina piano verso il destino. We'll be right back. C'était Denis Barry qui vient tout juste de jouer sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Denis Barry qui nous a laissé un album posthume, lui qui nous a quittés il y a 2 semaines. Il a réalisé cet album donc avec son fils qui jouait sur cette pièce-là les guitares électriques, le pédalier de basse et clavier. Et Denis Barry était aux guitares acoustiques. C'était la pièce L'appel du large. Et vous pouvez vous procurer cet album intitulé Sa musique, donc de Denis Barry, chez Sion. C'est Sion le disquaire qui est situé sur l'avenue Cartier à Québec. Ou si vous n'êtes pas de Québec, ben allez sur le site sion.ca et vous pouvez le commander en ligne. Il vous sera livré. Et je vous le recommande, c'est un bon album. Franchement, très content que Denis et son fils nous aient laissé cet album en souvenir. Il y a plein d'indicatifs de son émission, L'Opinaire du Chef, sur ça. Et franchement, c'est une belle ambiance. Il y a également une pièce avec Fred Pellerin. Il y a plusieurs artistes invités sur cet album. Alors, on va poursuivre en musique. Je vous parlais un peu également de certains spectacles qui s'en viennent à Québec. Bientôt, le 26 février, de Neil Morse Band. Donc, Neil Morse avec Mike Portnoy à l'Impérial de Québec. Donc, les billets sont en vente sur le site de l'Impérial de Québec. Il y a également le 12 mars, Alan Parsons Project qui sera au Grand Théâtre de Québec. Les billets sont en vente sur Billettech. Donc, le 12 mars, Alan Parsons, qui a quand même fait au début quelques albums progressifs. Surtout son premier, là, The Tales of Edgar Allan Poe, qui était pas mal intéressant. Pyramid, il y avait quelques pièces prog sur ça aussi. Sinon, ben, c'est sûr que c'est un peu plus pop par moment. Il y a également le groupe britannique IQ. IQ qui est finalement le néo-prog. Ils viennent nous présenter donc The Road of Bones, leur nouveau disque, le 11 avril à l'Impérial de Québec. Et les billets sont en vente. Alors, on ira, parfait. Donc, on va y aller pour quelques pubs et au retour, on aura une deuxième pièce du nouveau disque de Frank Carducci. Frank Carducci qui est originaire de la France et son deuxième disque, Torn Apart, on aura la Journey Through the Mind. Et on aura également le groupe Logos de l'Italie et leur nouvel album L'Enigma della Vita. Logos s'est classé finalement dans les meilleurs disques de rock progressif 2014 avec cet album. Après 13 ans d'absence, Logos qui revient. Et il n'y a qu'un membre original des albums de 99 et 2001 qui est là, Luca Zerman au vocal et clavier. Alors on aura une bonne pièce de ça. On y va en musique, en pub, et ensuite en musique avec Frank Carducci et Logos. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteilles, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer au 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoauthentique.com. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou, lebaldulezard.com. We'll be right back. through my hair that I can see the mighty sky surrounding us so high. Raindrops falling on the earth, then touch the ground and dry. I wish I could just fly away, but I feel fine. Can you show me how it feels when you come back home again? But I always will remain. I've been waiting here for so long to see your face again and forget about this pain and cries, yeah. Now I feel fine. All around, and she took it lying down. But I will always let you come to the places that I found, where I can always hear that sound outside. There I feel fine. Thank you. but new questions arise instead. Where do I fit in the picture? A storm is raging in my head. Freedom is not easy to see. Freedom is not easy to be. Freedom. So far and out of range. My heart aches and my body voice comes to my mind. My brain is rewinding, looking for better times. But all the picture is missing. I'm lost in the time zone, but I keep on searching to find my way back home. La

89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Et l'émission Terra Incognita, évidemment, avec Bruno et Marc. Et alors, ce qui a terminé le bloc, c'était le groupe Logos. C'est un groupe italien. Il y a un retour après 13 ans d'absence sur disque, en fait. Il y avait eu deux albums réalisés par Logos en 99 et 2001. C'est un groupe fondé en 96. Et il reste un membre original de cette formation, Luca Zerman. C'est lui qui fait les claviers et les voix. Alors, ça a valu la peine d'attendre 13 ans. L'Enigma della Vita. On a entendu la pièce In Fuga. Et il y avait eu un début de pièce qui avait joué, mais il y avait un problème avec le CD, là, la pièce NAS, où on a entendu un petit extrait. Et puis, ben, on a enchaîné tout de suite avec ce que je vous avais pas présenté encore, mais j'espère que vous l'avez reconnu. The Deep Project, donc Stéphane Desbiens de Québec. Et c'était du plus récent album, paru en 2014, Making Sense, la pièce Out of Range, Out of Line. Et c'était une pièce à l'origine qui était du groupe Essence, un groupe de Stéphane. Et il a refait une version où c'est lui qui chante, puis c'est beaucoup plus rock. Les guitares sont vraiment excellentes dans cette version-là. J'adore cette pièce de The Project, un autre très bon disque de 2014. Parlant de bon disque de 2014, je revisitais récemment un disque que m'a fait connaître Jacques Dulac des Illusions Auditives, Diaphonic, et c'est leur premier disque. Grâce à lui, j'ai obtenu cet album, un disque intitulé Troy. Et on aura la pièce Night Rider. Il y a un côté funk, pas funk, je dirais un peu la voix là, un côté folk dans la voix là, qui est avec le mélange de progressif que j'aime beaucoup de ce groupe suisse, donc Diaphonic. Et également, ben, pour débuter le bloc, Alex Carpani de l'Italie. Et c'est son troisième album intitulé Four Destinies. Et il y a sur ça également David Jackson de Van der Graaf Generator qui joue. C'est super bon, cet album-là. Et la pièce Time Spiral qu'on écoutera, ben, il y a beaucoup d'accent, la Gentle Giant, là, de ça, sur cet album-là. Sur cette pièce-là, je veux dire. Donc, Time Spiral de Alex Carpani et ensuite Diaphonic.

we are, walking in the night, neither cool nor bitter, but calm, temperate, pure. Our bare feet tread the soft green grass in paced steps, neither slow nor fast, since by now you have the feeling as though you're hovering above the ground. You've been walking distances, miles in the night. In your heart, you know that you must be here, that you must go on, that you must find it. The rising moon dazzles the face of the waters white, glistening as millions of tiny diamonds. As you turn your eyes to see it, its sheer size seems to be filling the entire sky. It radiates the dark blue ether with such clarity that even now you're able to touch its very atoms. And in your heart, this same inexplicable conviction grows more and more that you are here for a purpose. You're waiting here on the edge of eternity. And suddenly, you hear it. Ah. Spider, I'll follow you, honey, to the stars. Come on, honey, Spider, I'll follow you, honey, to the stars. Come on, honey, Spider, I'll follow you, honey, to the stars. Come on, honey, Spider, come on, honey, Spider. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Samedi minuit, seul sur l'autoroute, je syntonise CKRL. Un délire psychédélique côtoie les longues envolées progressives, le tout teinté aux nuances du rock. Pendant mon voyage interactif, j'ai écouté un savoureux mélange de succès et de rareté. Samedi prochain à minuit, soyez certes que je retourne sur l'autoroute, celle de Stéphane Villeneuve. D'ici là, prenez la sortie myspace.com/autoroute. C'est KRL. Et de retour avec Bruno et Marc, c'est l'émission Terra Incognita et on a terminé ça avec le groupe de la Suisse Diaphonic, tiré de leur nouvel album Troy, paru en 2014, et la pièce Night Rider. Juste avant, Alex Carpani, tiré de Four Destinies, et la pièce Time Spiral. Et ça va vite, hein? Il nous reste qu'une demi-heure. Et dans cette demi-heure, on aura, pour débuter, un groupe de l'Espagne, un groupe qu'on vous a présenté deux, trois reprises maintenant, Pervy Perkin, leur premier disque. C'est des jeunes qui ont fait une entreprise assez... Il y a pas mal de matériel dans ça. Il y a deux disques. C'est l'album Ink. Il y a le disque Book of Equinox et Book of Solstice. On aura une pièce de Book of Equinox. La pièce The End of the Beginning. Et vous allez voir que c'est pas mal musclé là, par endroit, mais c'est bon. Là. Il faut l'écouter plusieurs fois. Il y a des bons moments, franchement. Là. On aura ensuite Bjørn Riis. Bjørn Riis, qui vient de la Norvège et qui est en fait le guitariste de Airbag. Lullabies in a Car Crash, son premier album, paru en 2014. On aura la pièce de Chase. Et on terminera ça avec The Warm Ouroboros, un groupe de la Biélorussie, leur premier disque Of Things That Never Were. Alors, on y va tout de suite en musique avec ces trois groupes, donc Pervy Perkin, Bjørn Riis et The Warm Ouroboros. lasso of life. You will see desperation, misery and pain. You will find that your life is like living in hell. You will see superstition as your only religion. Struggling with peoples that won't really come. You'll find that this life won't give you peace of mind. But what would you do if you don't want to die? Feel alive, all alive but you.

Thank you. So the last time that he saw her, he didn't know quite where to look. Taking it for granted, she was on her way. There was no future calling, no winning tricks remained in play. It was the last time that they'd meet, and even though he knew this was goodbye for good, he couldn't tell her, just couldn't find the words to say. Alors, ce qu'on entend présentement, c'est Peter Hamill, tiré de son plus récent album, All That Might Have Been, la pièce The Last Time, sur le premier CD de ciné. On a eu juste avant The Worm Ouroboros, avec la pièce Pirates in Pingaree, tirée de l'album Of Things That Never Were. Et on a eu Rhys Marsh, et ce qui a débuté, Pervy Perkin. Alors, ben, c'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et au choix musical avec vous en cette édition du 24 janvier 2015 de Terra Incognita. Revenez-nous la semaine prochaine. Bruno nous prépare, nous concocte un choix musical. Alors, soyez des nôtres la semaine prochaine et restez à l'écoute de CKRL pour l'émission L'Autoroute qui suit dans quelques instants avec Jacques et Vincent. Alors, à bientôt. Never wanted to belong. Longed only to behold he felt so strongly all along. He never could stand to be told. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Les routes enchantées débutent tout de suite après cette courte pause. L'événement Patrimoine vivant au goût du jour est l'occasion idéale pour découvrir autrement le patrimoine vivant. Musique traditionnelle électroacoustique ou encore avec une ambiance free jazz, les frontières musicales s'élargissent grâce à la fougue de nombreux artistes de Québec. Un rendez-vous les 23, 24 et 25 janvier, programmation complète sur le site du Musée de la Civilisation. Patrimoine vivant au goût du jour est organisé par le Centre de valorisation du patrimoine vivant avec l'aide financière de l'Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Bière bouteille, 8 bières en fût. 10 bières bouteille, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. CKRL 89.1. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go of my echo while I flex my ego. Sip on Prosecco. Québec. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.